France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est la marche des sciences. L'histoire du vivant et de la biodiversité est celle de l'évolution et de la sélection que l'on enseigne désormais plus largement à nos enfants. Mais au-delà de la sélection naturelle, se hasarde-t-on aussi sur le terrain de la sélection sexuelle ? Que sait-on du bricolage évolutif à l'œuvre dans les organes et les comportements sexuels des animaux ? Le sexe revu par les bêtes, c'est le thème du jour dans la marche des sciences. Et si nous avions tout à apprendre des animaux en matière de sexualité ? C'est cette question et cette histoire insolite, riche d'enseignements, que nous présente le biologiste Menno Schiltisen, spécialiste de l'hermaphrodisme à l'université de Leyde, aux Pays-Bas. Il le présente dans son livre « Comme les bêtes, ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité », un livre paru aux éditions Flammarion, une histoire de la biodiversité, du vivant et de la sélection via le sexe et les organes reproducteurs, un récit qui peut-être éclairer d'un jour nouveau notre propre sexualité. Comme l'écrit l'auteur au début de son livre, les parties intimes des animaux sont un théâtre où l'évolution joue une comédie qui aurait fait rougir Darwin et que des générations de biologistes ont totalement ignoré, alors qu'il s'agit sans doute de la partie du corps la plus indiquée pour illustrer la puissance de l'évolution. Alors pour entreprendre ce voyage intime, nous avons le plaisir d'accueillir en direct sur France Culture, il vient juste de rentrer dans le studio, reprenez votre souffle, Pierre-Henri Gouillon, spécialiste de l'évolution, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et également à l'AgroParisTech, également à Sciences Po. Il est préfacier du livre de Menno Schiltisen, une émission émaillée d'archives sonores dénichée avec malice par Anaï Morales et la complicité de Hervé Evanou. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, quelques nouvelles sur le front de notre partenaire Science et Vie et Science et Vie TV, avec un documentaire diffusé à l'occasion de la Journée mondiale du cancer. Également une nouveauté Science et Vie Junior. Et puis dans les 10 dernières minutes de l'émission, nous recevrons l'auteur et journaliste Sylvie Alboutabar. Elle est co-auteure et coordonnatrice du très beau livre intitulé « Des rôles à la croisée des savoirs », édité chez Lamartinière. Un retour sur ces planches de notre enfance et puis surtout le regard partagé sur ces documents par d'éminents spécialistes tels Jean-Louis Etienne, Valérie Chanzigo, Jane Goodall, Pierre Corvol, bien d'autres, et puis justement également Pierre-Henri Gouillon. Alors pour l'heure, place à l'évolution dans tous ses états. L'évolution n'est pas due au hasard, car le principal agent directeur de l'évolution est la sélection naturelle. Et la sélection naturelle est un facteur qui s'oppose puissamment au hasard. De même, l'évolution n'est pas prédéterminée car, comme je le disais précédemment, c'est un procédé créatif. C'est comme une invention technologique. Bonjour Pierre-Henri Gouillon. Bonjour. On vient d'entendre la voix de Théodosius Dobzhansky. C'était dans l'émission Paris à l'heure du monde, une émission de l'ORTF. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, 13 mai 1969. Un de nos grands maîtres. Exact. Hein, ce biologiste généticien ukrainien qui est mort en 1975, à l'âge de 75 ans, si je ne m'abuse, hein, parce qu'il était né en 1900. Et donc, qui a écrit, rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et c'est d'ailleurs le début début du livre de Menno Schiltisen. C'est le début de ma préface. Et le début de votre préface, voilà. Exactement. C'est cette préface que l'on découvre dans ce livre. Alors, ce biologiste de l'université de Leyde, spécialiste de l'hermaphrodisme, c'est quelqu'un que vous connaissez bien ? Je l'ai rencontré aussi. Je l'ai rencontré au tout début de ma carrière, parce que 75, je venais juste de commencer. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer, effectivement. C'était un homme très impressionnant, qui a beaucoup travaillé sur des petites mouches, les drosophiles, ça a été ça son grand sujet. Mais effectivement, qui a travaillé sur la façon dont les espèces se fabriquent et sur des processus d'accouplement. Disons, voilà, qui vont nous concerner. Exactement, parce que là, il nous offre quand même ce livre. Je rappelle le titre, Comme les bêtes, et le sous-titre, Ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité. Donc, un livre paru chez Flammarion. Et c'est vrai que c'est, vous le dites, chaque caractéristique de chaque être vivant est le produit donc d'un processus historique fait d'adaptation, de mutation face à des contraintes dans ce processus de la sélection naturelle. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on parle souvent de cette sélection naturelle, mais rarement de la sélection sexuelle. Et là, nous sommes véritablement avec ces deux données dès le début, et c'est toute l'originalité de ce livre que nous immerger dans ce bricolage évolutif. Oui, absolument. La sélection sexuelle est introduite par Darwin dès son premier ouvrage sur le sujet de la sélection, donc l'origine des espèces. Il introduit la sélection sexuelle comme une autre sélection que la sélection naturelle. Alors on peut discuter pour savoir si jamais elle fait partie de la sélection naturelle, c'en est une partie. Puisque la sélection naturelle, au fond, c'est tout ce qui permet aux individus de survivre ou de se reproduire mieux, et que la sélection sexuelle aboutit à une meilleure reproduction. Donc, de ce point de vue-là, elle est inclue dans la sélection naturelle. Là où elle en diffère, c'est qu'il s'agit non pas d'un processus de sélection par l'environnement en général qui favoriserait des caractères qui, disons, adaptent l'individu à son environnement, mais du choix en général par les femelles de caractères particuliers chez les mâles. Jean Gaillon, qui est historien des sciences, a proposé l'idée d'ailleurs que Darwin utilisait cette sélection sexuelle comme une sorte d'intermédiaire, parce que Darwin commence par la sélection exercée par les horticulteurs et les éleveurs. Ça, tout le monde comprend comment ça marche. Enfin, tout le monde comprend. Tout le monde voit que ça marche plus exactement. On voit bien qu'en gardant des chevaux qui courent plus vite, eh ben, on obtient des chevaux qui courent de plus en plus vite. En gardant des chiens agressifs, on fabrique des Rottweilers, etc. Et donc, la nature, dit Darwin, sélectionne elle aussi par le fait que certains individus vont réussir mieux que d'autres et que les variations héritables vont être conservées en fonction de ça. Or, la sélection sexuelle, c'est un cas un peu intermédiaire où c'est la nature, certes, mais c'est des individus quand même qui choisissent. C'est pas des humains, c'est des femelles animales. Et donc, quand on voit la queue du paon, effectivement, c'est une aberration sur le plan de l'adaptation à la vie de tous les jours. C'est impossible de s'échapper avec une queue pareille. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est une grande gêne quand même. Impossible de se cacher. Ça a tous les défauts du monde. Et la seule explication que voit Darwin à l'existence de ces caractères sexuels dits secondaires, c'est-à-dire que c'est pas le sexe de l'oiseau lui-même, c'est des à côté, eh bien, c'est que les femelles ont choisi les mâles qui avaient des que chez les paons, le plus long possible, en quelque sorte. Et c'est là tout l'intérêt de ce livre, qui nous décrit la réalité du processus reproducteur. Alors je cite justement Menno Schiltisen, donc c'est cette machinerie mâle qui transmet l'éjaculat à la femelle et des parties femelles qui le reçoivent et l'emmagasinent. Et à partir de là, il casse bien des idées reçues, d'ailleurs, par exemple, l'idée selon laquelle l'homme a une primauté sur la reproduction par rapport à la femme. Lui, il démonte complètement cette idée-là. Ça, c'est sûr que la recherche a d'abord été faite par des hommes. Maintenant, il y a beaucoup de femmes en biologie. Mais certainement, il y a eu une vision un peu biaisée des choses. Il y a plusieurs exemples dans ce livre. Alors, ce qu'il faut bien voir, donc, c'est que si Darwin a appliqué la sélection sexuelle au caractère sexuel secondaire, la queue du paon, la crête du coq, etc., ce qu'il montre, c'est un courant de recherche qui s'est développé récemment, dans lequel on utilise la sélection sexuelle, non plus pour comprendre les caractères sexuels secondaires, mais les caractères sexuels primaires, c'est-à-dire la forme et l'utilisation des organes sexuels par les mâles et par les femelles dans toute une série d'espèces. C'est souvent cocasse. Et effectivement, on va revenir en arrière par rapport à toute une série d'affirmations qui ont été faites par une science très très mâle, faite par des mâles, par des hommes. Et il y a D'ailleurs, il parle que d'animaux, donc du coup, il peut pas citer d'autres cas, mais il y a aussi des exemples chez les plantes. Hein. Il y a un laboratoire de femmes qui a montré que lorsqu'on met un pollen sur la surface stigmatique d'une fleur, eh bien, le pollen va conduire les spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Ça, tout le monde savait ça, et on imaginait donc que le pollen mâle était courageusement se dirigeait vers l'ovule, etc. Ce qu'ont montré ces filles, c'est qu'elles ont posé sur le stigmate, non pas des pollens, mais des petites billes de plastique, et les billes de plastique ont été emmenées par la femelle jusqu'à l'ovule, exactement par le même chemin que leur étaient les grains de pollen, ce qui montre qu'en fait les pollens ne fait rien, c'est la femelle qui l'emmène là où il doit aller. Et typiquement, c'est des recherches, systématiquement ce genre de recherche a été fait par des femmes et jamais par des hommes. Et c'est ce qu'on retrouve au cœur de ce livre formidable, hein, vraiment pour un large public, on comprend tout et surtout, c'est cette façon de nous montrer qu'il y a eu peut-être des freins à la recherche. Alors quand Menno Schiltisen nous parle de Darwin, il précise qu'il vivait dans une société victorienne puritaine et que notamment il était entouré d'une fille castratrice, on peut dire, hein, Henrietta. Alors j'utilise et j'ose le mot parce que elle aurait freiné peut-être un petit peu ses envies d'aller sur ce terrain de la sélection sexuelle plus largement. Peut-être. Il est certain que la famille de Darwin a été un handicap pour lui à certains points de vue. Sa femme, certainement d'abord, qu'il aimait beaucoup, mais qui avait été très choquée par ce qu'il racontait. Mmh. Et puis cette fille. Mais cette fille, elle a un peu joué le rôle de dire comme vis-à-vis de Darwin. Est-ce qu'elle a eu tort a posteriori? On ne peut pas le savoir. On peut dire qu'effectivement, elle l'a certainement freiné sur certains sujets. Ceci dit, il était suffisamment décrié à l'époque pour que peut-être il soit utile sur le plan de sa communication, comme on dirait aujourd'hui, de ne pas aller trop loin dans certains domaines choquants, de manière à réussir à faire passer les idées majeures qu'il était en train de développer. Donc sa fille, certes, a limité ce qu'il racontait sur le plan du sexe lui-même, oui, mais tout en promouvant ses idées sur la sélection naturelle et les mécanismes de l'évolution, qui étaient quand même le point numéro un à faire passer à l'époque. Donc je pense qu'il ne faut peut-être pas être trop méchant avec cette fille. Bon. Elle a sûrement essayé de servir. Henrietta dite Etty. Voilà, allez, on la réhabilite, Etty. Non, ce qui est plus surprenant à la lecture du livre, c'est aussi de voir que, source d'étonnement pendant longtemps, hein, cette sélection ou cette reproduction, en tout cas sexuelle, des animaux, il a quand même fallu attendre 1979 pour que les biologistes évolutionnistes daignent s'intéresser aux organes génitaux. Alors là, on peut se dire pourquoi une si longue attente. Et puis, c'est aussi un livre qui nous montre qu'il y a une évolution de nos connaissances en fonction aussi du regard des chercheurs. C'est aussi tout ce regard, cette capacité à questionner, à poser les bonnes questions et à regarder là où il faut. Regarder là où il faut, oui. C'est le mot. En fait, c'est très général sur les questions de sexe. Ouais. Je pense qu'on est en train de dire là. J'ai eu des conversations nombreuses et intéressantes avec Françoise Héritier, qui s'occupe de sexe et de genre dans l'espèce, ouais, humaine, elle, dans les cultures humaines, et qui m'a dit la même chose. Qui m'a dit, au fond, on n'a pas vu les problèmes de sexe dans l'anthropologie, parce qu'ils étaient tellement évidents qu'on les voyait pas. Et si Claude Lévi-Strauss n'a pas abordé ces questions quasiment dans ses travaux, c'est parce que tout ça, bien sûr, il pouvait pas ne pas voir qu'il y avait des différences, mais c'était tellement inscrit dans le système que ça faisait pas l'objet de questionnement. Je pense qu'on a eu le même problème avec le sexe en général, d'ailleurs, en évolution. Comme toutes les espèces sont sexuées et que le sexe indéniablement permet de fabriquer de la diversité, eh bien les biologistes se sont dit que c'était normal de faire du sexe. C'était déjà un premier point. La question, au fond, mais pourquoi est-ce que les espèces déjà se reproduisent sexuellement, n'est devenue une question posée par le milieu scientifique que dans les années, au début des années 70. Et c'est très curieux parce que jusque-là, quand on voyait une espèce qui faisait pas de sexe, hein, il y a des espèces qui font de la parthénogenèse, qui se débrouillent, où les femelles se débrouillent toutes seules, où elles se sont débarrassées des mâles depuis belle durée, il y en a plein. Hein. Il y en a quelque chose comme 3%. Ouais, et puis il y a une diversité des organes, une richesse des formes, des fonctions, des procédés. Enfin, c'est mais déjà, rien que le fait d'abandonner le sexe, eh ben, la question était comment peut-il se faire qu'une espèce ait abandonné ce merveilleux moyen de reproduction qu'est le sexe? Alors que quand on y réfléchit, le sexe est un moyen de reproduction particulièrement inefficace, puisqu'on s'y met à deux pour faire ce que l'une aurait pu faire toute seule. Donc déjà ça, et ensuite, effectivement, dès qu'on a vu que les organes sexuels étaient compliqués, Eh ben, on s'est dit, c'est un moyen de choisir le partenaire. C'est un système clé-serrure. Hein, l'auteur. Oui, il en parle effectivement. C'était l'explication classique. Et personne n'avait regardé vraiment. Il faut la bonne clé dans la bonne serrure. La clé ouvrait la serrure. Et finalement, c'est pas du tout ce qui se passe dans la nature. Mais en tout cas, vous nous dites, Pierre-Henri Gouillon, cette étude des organes génitaux, donc c'est une vraie science, hein, sérieuse. Et d'ailleurs, je le rappelle, je le dis, je le précise pour nos auditeurs, que c'est en 2009, hein, si je ne m'abuse, vous avez coordonné le livre « Aux origines de la sexualité », paru chez Fayard, avec 29 contributeurs. Et parmi tous ces contributeurs, il y avait des biologistes, des sociologues, des éthologues, des historiens, des anthropologues, psychologues, philosophes. Donc cette volonté véritablement de croiser les disciplines, peut-être pour aboutir à ces regards, multiplier peut-être les regards, la façon de regarder, pour mieux saisir et connaître cette évolution, cette sélection en tout cas sexuelle. Bah oui, et puis surtout qu'il y a des phénomènes de convergence que je trouve fascinants, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 70, on a commencé à se poser la question au fond, mais pourquoi est-ce que les femelles acceptent de se faire féconder par les mâles et font pas les petits toutes seules, dans la mesure où c'est elles qui font tout le travail, en gros, pour fabriquer un petit dans la plupart des formes vivantes. Et nous, évolutionnistes, on voit les mâles un peu comme des parasites, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que, comment vous appelez un organisme qui vous injecte son ADN pour que vous lui reproduisiez sans rien faire lui-même, vous l'appelez un parasite ou un mâle. Voilà, c'est... Dans la plupart des espèces, le mâle féconde la femelle et après il s'occupera jamais des petits. Donc la femelle ne bénéficie en rien au fond de l'apport du mâle et elle a éliminé ses propres gènes pour mettre ceux du mâle à la place. Ce qui, du point de vue de ses gènes, diminue leur reproduction. Du point de vue d'elle-même, diminue sa reproduction parce qu'à cause de ça, elle va faire des fils qui eux-mêmes ne contribueront pas à faire des petits enfants physiologiquement. Et on peut facilement faire un petit modèle montrant que si une femelle fabriquait autant de petits que les autres, mais par parthénogenèse, uniquement des filles, eh bien, sa lignée envahirait l'espèce très rapidement, très très rapidement, avec une augmentation d'un facteur 2 par génération, ce qui fait qu'en quelques dizaines de générations, les formes sexuées et les mâles disparaissent. Ce résultat-là est vraiment apparu évident dans les années 70, et au même moment, en anthropologie, on commençait à se rendre compte, enfin, des gens comme Françoise Héritier, justement, proposaient l'idée que l'une des grandes terreurs des hommes était que les femmes arrêtent de faire des fils. C'est-à-dire, justement, au fond, ça peut s'exprimer biologiquement comme le fait qu'elles passent à la parthénogenèse. Donc c'est drôle de voir que les scientifiques se mettent à se poser une question et qu'en même temps, les anthropologues se disent, bah, au fond, cette question, peut-être que c'est une question qui a angoissé les hommes depuis très longtemps, mais sur laquelle il y avait une sorte d'écran de fumée qui permettait de ne pas la voir. Parce qu'au fond, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour se rendre compte que c'est les femmes qui font les enfants. Et comme le fait remarquer François Héritier, il n'y a pas non plus besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour se rendre compte qu'en général, le même engendre le même. D'où le fait qu'on pourrait s'interroger sur la question pourquoi est-ce que les femmes fabriquent des fils. Au fond, puisque chacun ne fabrique normalement que ce qui lui ressemble, les femelles devraient fabriquer des femelles. Et donc cette question de comment se fait-il que les femmes fabriquent des hommes a reçu de nombreuses réponses mythiques dans plein de sociétés, et presque toujours, ces mythes tendent à redonner la primauté à l'homme. Et je cite toujours une phrase extraordinaire donc, qui est répétée dans nos sociétés, hein, qui est que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman, on n'arrête pas de raconter ça aux enfants. J'aurais vraiment insisté sur le fait que cette phrase est scandaleuse, que la graine, d'abord, c'est le produit de la femelle chez les plantes, et que ça donne donc de l'image de la procréation, que c'est l'homme qui a fabriqué l'enfant, et que la mère est un terreau plus ou moins nourricier, voilà. Donc la mère nourricière, hein, bien sûr, oui, bien mais sûr. Pas la mère productrice. L'enfant est l'enfant de son père, nourri par sa mère. Je pense que donner cette image-là aux enfants dès leur plus tendre âge, c'est pas bien, et je pense qu'il faudrait arrêter de raconter ce genre de choses, mais ça fait partie de notre culture. Mais mieux vaudrait raconter la sexualité des animaux, parce que là, tout est dit, et effectivement, il faut certainement inverser notre regard, ne pas questionner avec le regard de la reproduction humaine pour regarder le monde animal, mais peut-être regarder le monde animal pour mieux questionner notre propre sexualité et la reproduction. En tout cas, voilà, on va s'en rendre compte dans la suite de l'émission. Pierre-Henri Gouillon, c'est effectivement les femelles dans ce monde animal ont beaucoup plus de pouvoir, ont même une grande quantité de pouvoir. Alors, À la question « Le mâle ayant de beaux attributs a-t-il plus de chances de procréer et d'assurer sa descendance ?» Eh bien, la réponse va venir de Sophie Grisolia, conceptrice d'une exposition qui avait eu lieu en juillet 2005. Voilà, c'était un document, une archive sonore. C'était dans l'émission « Tout s'explique » de Denis Chessou sur France Inter. Et puis, on entendra aussi la vétérinaire et professeure du muséum, Marie-Claude Baumzel. C'est vrai qu'au moment des parades, il y a la sélection sexuelle qui agit, c'est-à-dire que en général, les femelles vont s'occuper des petits. Ça leur demande beaucoup d'énergie. Elles vont plutôt sélectionner un mâle qui donnera des bons spermatozoïdes, des bons gènes pour avoir de bons petits, parce qu'elle va s'en occuper finalement que d'une portée à la fois. En revanche, le mâle, lui, son objectif, c'est de placer le plus de spermatozoïdes possible. Ça lui prend beaucoup moins d'énergie. Ce qui va lui coûter beaucoup d'énergie, c'est de se manifester, de se faire choisir par les femelles. À l'inverse, les deux animaux fidèles vont avoir beaucoup moins de parades, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Si vous prenez des manchots, par exemple, parce que tout le monde a vu le film sur les manchots, et pourtant là, c'est un milieu très aride et tout, la course, c'est deux petites danses, un petit coin-coin, et hop, ça suffit largement. Mm-hmm. Tout simplement pour économiser l'énergie. L'énergie, elle va être pour faire l'œuf ou pour aller nourrir le petit. Les animaux fidèles, 90% des oiseaux sont fidèles et sont de coloris identiques. Peut-être pas. Je disais peut-être pas 90% effectivement des oiseaux, hein, Pierre-Henri Gouillon, mais il y a ces animaux fidèles, effectivement. En tout cas, on les retrouve pas forcément dans le livre de Menno Schultizen. Il nous montre que donc les femelles ont un rôle déterminant, hein, dans le choix du mâle. Alors peut-être par la voix, l'allure, les plumes, le phallus ou d'autres attributs de ces mâles, mais ce sont les femelles qui choisissent chez un grand nombre d'espèces. Il n'y a pas de doute que les femelles peuvent choisir, et qu'elles peuvent choisir d'ailleurs à des tas de niveaux. Elles peuvent choisir dès le début d'accepter ou non de s'accoupler avec un mâle, mais il y a des tas de cas où la femelle va essayer de refuser, et que le mâle va réussir à s'imposer quand même. Hein. Alors ça, c'est embêtant, parce que pour décrire ce qui se passe chez les animaux, c'est toujours embêtant d'employer des mots qui ont une charge émotionnelle forte chez les humains. Donc quand on va dire que le mâle viole la femelle chez des punaises, par exemple, je ne suis pas sûr que ça ait un sens très très fort, mais enfin bon, donc il y a en tout cas des accouplements non souhaités par les femelles, mais elles ont encore plusieurs moyens de se défendre. Premièrement, si jamais ce genre de choses se produit suffisamment longtemps, la sélection va favoriser éventuellement des femelles qui disposent d'un appareil génital qui leur permet de ne pas être pénétrées par un mâle dont elles veulent pas. Donc là, il y a des exemples tout à fait hallucinants de pénis en tire-bouchon et de vagin en tire-bouchon dans le sens inverse. Ce qui fait que, évidemment, si la femelle n'est pas très très relâchée, il n'y a aucun moyen que ça pénètre. Et même le mâle doit pouvoir se faire assez mal en essayant désespérément d'entrer dans un pénis resserré dans le mauvais sens. Et puis, il y a encore, alors ça, c'est des choses qu'on découvre progressivement, mais ça demande beaucoup de travail. C'est le tri à la fin. C'est-à-dire que au moment de la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule, l'image d'Épinal de la science mâle, ça a été les spermatozoïdes courent aussi vite qu'ils peuvent. Hein. Il y a un film de Woody Allen qui montre bien ça. Très bien, oui. Une chanson de Rissé Barrier aussi, d'ailleurs, tout à fait remarquable. Et donc, le premier spermatozoïde arrivé... Hop, c'est le vainqueur. C'est lui qui rentre. Pas du tout. En fait, les premiers spermatozoïdes arrivent, et puis l'ovule va éventuellement choisir lequel il veut. Et donc, la femelle peut encore choisir de façon très, très intime à ce niveau-là. Donc, il existe de multiples facteurs de choix. Oui, on se rend compte aussi que des femelles se débarrassent carrément du sperme. Ah oui, de l'éjaculat. Alors là, elles font la sélection ou elles le mettent dans une poche à part. Elles ont plusieurs poches et celui-ci est rejeté parce que finalement elles décident que ce n'est pas le reproducteur avec lequel elles veulent avoir des enfants, des petits. Absolument. Donc les femelles peuvent choisir. Vous voyez, c'est ça qui est bon. On n'a pas tout compris dans ces affaires-là. On décrit toute une série de situations très curieuses et. Effectivement, au fond, puisque les mâles ne font qu'injecter leurs gènes et qu'ensuite ils ne s'occuperont souvent pas des petits, ce qui n'est pas vrai chez les oiseaux. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que chez les oiseaux, il y a plus de cas de fidélité, etc., que chez d'autres. C'est que chez les oiseaux, souvent, le mâle va contribuer à l'élevage du petit. Et d'ailleurs, on peut imaginer très bien que la femelle essaye de choisir un mâle, non pas en fonction de caractéristiques, de qualités extraordinaires, mais simplement sur le fait qu'elle croit qu'il va s'occuper des petits. Hein. C'est un point essentiel. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, elle a intérêt à le choisir pas trop trop beau, ont fait remarquer certains scientifiques. Si elle veut pas qu'il aille trop avec d'autres. Donc, voilà, il y a des phénomènes comme ça. Si jamais les mâles sont vus comme des parasites, eh ben, on sait bien que les parasites trouvent des tas de manières de parasiter leurs hôtes. Et effectivement, d'une certaine façon, l'immense disparité des mécanismes de fécondation qu'on voit dans ce livre a quelque chose qui rappelle l'immense disparité des mécanismes par lesquels les parasites injectent leurs gènes, que ce soit des virus, des moustiques, des tout ce que vous voudrez, qui vont venir parasiter On nous parle de l'effet Bruce aussi, du nom de la zoologiste anglaise Hilda Bruce, hein, qui a étudié les souris en laboratoire, et donc cette capacité montrée de la part des femelles de mettre un terme à la gestation. Donc là, on est dans un cas d'une sorte d'infanticide, mais souhaité. Donc c'est vraiment ce pouvoir laissé, ce choix laissé aux femelles qui décident. Voilà, même s'il y a eu insémination, ça ne veut pas dire qu'il y aura fécondation et que les femelles ont la main là-dessus. Il y a aussi le sujet de l'orgasme qui est étudié. Alors là, on se rend compte que la biologie de l'orgasme femelle, donc dans le monde animal, reste encore un terrain d'étude fragile quand même. Bah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de recherche là-dessus d'abord. Et puis, il n'y a pas une compréhension très grande. Récemment, d'ailleurs, il y a une journaliste qui me demandait comment se fait-il, mais pourquoi vous ne travaillez pas là-dessus, chez les femmes, etc. Et j'avoue que moi, en tant que chercheur, je ne me vois pas faire des recherches là-dessus, très sincèrement. Je trouve que ça... voilà, je pense qu'il faut des gens très, très courageux pour travailler sur ces questions, quand même. Et donc, effectivement, la question de savoir si l'orgasme a un rôle, déjà, est une question qui a été débattue. L'un des plus célèbres évolutionnistes de la fin du XXe siècle, qui s'appelait Steve Gould, qui a écrit des tas de livres de vulgarisation que certains auditeurs auront peut-être entendus, Le pouce du panda, La vie est belle, etc. Gould avait, dans un petit essai très rigolo, comparé les tétons des hommes et l'orgasme clitoridien. Ça, c'est un texte, en anglais, ça s'appelait « Male nipples and clitoral ripples ». Alors, c'est intraduisible en français, le jeu de mots, donc on va le traduire par les tétons des hommes et les crêtes clitoridiennes. L'idée est la suivante. Pourquoi les hommes ont-ils des tétons? Et le plus probable, c'est que s'il n'y ait pas de bonne raison à ça, que la seule raison pour laquelle les hommes ont des tétons, c'est que les femmes ont des tétons qui servent à nourrir les petits, et c'est vrai chez tous les mammifères, évidemment, et que comme l'embryon, au départ, il n'est ni homme ni femme, et que la différenciation homme-femme se fait de façon relativement tardive dans l'embryon, eh bien, les hommes héritent de ces embryons, de ces éléments embryonnaires de tétons, et ils en ont, ça leur servira jamais à rien. C'est pas ce que tout le monde a pensé, hein. On a imaginé que si les hommes avaient des tétons, c'était parce qu'avant on était hermaphrodite et que c'était un organe qui restait de notre passé hermaphrodite. On a imaginé que quand les femmes étaient trop stressées dans les anciens temps, les hommes pouvaient produire du lait à leur place, etc. On a imaginé plein de choses. L'hypothèse de Gould, c'est que ça n'a jamais servi à rien, que ça, c'est juste là parce que on peut pas faire un homme et une femme avec le même embryon de départ sans que l'homme ait des tétons comme la femme. Et du coup, bah, pour l'orgasme clitoridien, il a la même explication. C'est-à-dire que si les femmes ont un orgasme, c'est pas que ça sert à quelque chose, c'est que les hommes ont un orgasme qui sert à quelque chose. Éjecter les spermatozoïdes de temps en temps, au moins au bon endroit quand il faut. Et puis, du coup, bah, les femmes qui ont un organe qui ressemble, qui est le clitoris, vont avoir un orgasme sans que ça ait la moindre utilité. Eh bien, cette hypothèse-là, donc, d'un orgasme des femmes qui ne serait que l'homologue de l'orgasme des hommes et qui n'aurait pas de fonction en lui-même, a été fortement contestée par toute une série de femmes qui ont montré que peut-être l'orgasme chez les femelles en général pouvait aider au bon fonctionnement de la fécondation. En tout cas, encore un terrain d'étude à la fois sur le plan humain et sur le plan animal qu'il faudra travailler, investir dans les années à venir, hein, certainement, Pierre-Henri Gouillon. En tout cas, dans ce livre-là, on se rend compte quand même que bon, les mâles, vous voyez, lapsus révélateur, mais c'est intéressant. Les mâles prennent des risques parce que si on pense aux mâles araignées, c'est assez formidable quand même tout ce qu'ils développent. Je vous propose d'écouter tout d'abord un petit document sonore Nuit magnétique sur France Culture, diffusé le 30 mai 1990. Araignée, d'ailleurs, c'était le thème de l'émission. Et vous allez entendre l'ethnologue Bertrand Kraff s'exprimer justement sur tout ce que dépense comme énergie le mâle araignée. On constate que, arrivé sur le bord de la toile, Le mâle manifeste un comportement tout à fait particulier qui est à l'origine de phénomènes vibratoires. On a l'impression que le mâle joue du tam-tam sur la toile. Avec les pédipalpes, il tiraille les fils, il anime son corps de secousses rythmiques ou bien effectue des battements de la toile à l'aide de l'abdomen. Il frappe l'abdomen sur la toile à un rythme tout à fait particulier. Alors, ces signaux vibratoires permettent à la femelle d'identifier le mâle. Alors, sa réponse peut être soit un signal vibratoire, soit sa réponse peut tout simplement être la non-réponse, c'est-à-dire l'immobilité. À ce moment-là, le mâle aura la possibilité de s'approcher de la femelle. Là interviennent encore des signaux tactiles et tactochimiques, des signaux chimiques sexuels qui permettent là de préciser l'identification de la femelle par le mâle, par exemple. Et finalement, vous arrivez à l'accouplement et un peu plus tard, à la production des œufs. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Mais alors, dans cette alchimie, Pierre-Henri Gouillon, on oublie que le mâle se fait manger à la fin, non? C'est pas toujours le cas, mais c'est effectivement, chez les araignées, quand une araignée s'approche d'une autre araignée, en général, elle essaye d'en évaluer la taille. D'ailleurs, c'est une des fonctions du fait de secouer la toile. Vous avez déjà vu sûrement une araignée dans sa toile, vous touchez la toile, à ce moment-là, l'araignée fait vibrer la toile. C'est une manière d'estimer le poids de l'autre individu. Et si l'autre est plus gros, elle y va pas. Donc, les mâles, quand ils se rapprochent d'une araignée femelle, et comme elle est plus grosse qu'eux, pratiquement toujours, il faut vraiment que leurs gonades, leurs organes sexuels, leur envoient des impulsions très très fortes pour qu'ils aillent faire ça, alors que leur tête leur dit de pas le faire. Il y en a même d'ailleurs certains qui, au bout d'un moment, se retrouvent bloqués avec la tête qui leur dit de pas y aller et les gonades qui leur disent d'y aller. Bon. Il y en a même où la solution est simple, il faut que la femelle coupe la tête pour que ça se finisse. Donc effectivement les mâles prennent des risques. Alors il y en a qui ont trouvé des solutions, hein. On peut faire un petit cadeau à la femelle, on peut attraper un insecte, l'envelopper dans un paquet cadeau en toile et puis l'offrir à la femelle et pendant qu'elle mange l'autre insecte, se dépêcher de copuler avec elle et de repartir. Et repartir, parce que normalement, elle s'en empare, et elle le mange. Voilà. Alors, c'est rigolo, parce que ça, il y a plein d'histoires comme ça, parce qu'il y a des mâles qui n'ont pas trouvé d'insecte à donner à la femelle, alors ils empaquettent un petit caillou, et là, il faut qu'ils fassent encore plus vite, parce que dès qu'elle se rend compte que c'est pas un insecte, mais un petit caillou, là, c'est fini pour eux. Et puis, il y a aussi encore une fois, les pédipalpes, là, ces fameux petits organes, qui vont servir au mâle à féconder la femelle très souvent. Donc c'est pas un accouplement au sens où on l'entend habituellement, où un organe mâle va pénétrer un organe femelle ou au moins s'y aboucher, mais là carrément le pédipalpe qui récupère le sperme et qui va le placer dans la femelle avec parfois d'ailleurs des... Je ne veux pas raconter tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il faut que les auditeurs le lisent. Mais de toute façon, il y a tellement qu'ils auront forcément envie de lire le livre. Mais quand les auditeurs en arriveront là, ils verront que les pédipalpes des araignées, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire sur le plan sexuel. Ouais. Et puis dans tout cet imaginaire, et pas que l'imaginaire, et dans toute cette relation avec le monde animal, il y a aussi les fascinants bonobos, autre document sonore déniché par Anaï Morales. C'est une archive, un extrait de l'émission Interception sur France Inter. Bonobo, le hippie des grands singes, et on va entendre justement Claudine André parler au micro de Christine Siméon. C'était le 20 octobre 2002. Qu'est-ce qui se passe là entre... Ben là, il y a un épouillage des parties génitales. Et bon, ben voilà, entre Manono et Kalina qui se laissent faire. Claudine André, pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont les singes ou les animaux ou les êtres vivants les mieux équipés de la planète? C'est vrai que, par exemple, pour les femelles, c'est très, très apparent. Non seulement à l'âge adulte, elles ont des gonflements de la région anale et vulvaire très importants, mais elles ont aussi un clitoris très apparent. Pour des femelles adultes, ça peut être 2 à 3 cm. Il est aussi cartilagineux, donc il est vraiment à l'extérieur du corps, il n'est pas camouflé. Et quand elles font des contacts GG, comme on dit, génitaux, face à face ou dos à dos, elles se procurent un certain plaisir puisqu'elles sont vraiment bien équipées pour le plaisir. Tout est à disposition. Et les mâles? Oui, ils ont des testicules très importantes, vraiment très très importantes. C'est peut-être ça qui fait dire que c'est le mâle le mieux loti de la nature. Mais bon, le pénis est très long, mais très fin, très très fin. En érection, ils peuvent arriver à des pénis qui frôlent les 20 cm, hein, facile. Même des petits, parfois, sont bien équipés aussi. Donc, ils ont 2-3 ans et malgré tout, ils ont une intense activité sexuelle, surtout à l'arrivée ou au moment de la distribution de la nourriture. Ce sont les seuls, je crois, qui pratiquent la position du missionnaire, c'est-à-dire et face à face comme les humains. Oui. Et face à face et souvent en se regardant dans les yeux avec un rictus qui peut être interprété comme un sourire ou du plaisir tout simplement. Oui, de face à face, et puis après, on tourne, on change. Ah oui, vous avez bien vu, vous voyez encore d'ailleurs, vous voyez toutes les positions du Kama Sutra. Je crois que c'est pour ça qu'on a appelé le singe Kama Sutra, parce qu'il nous en apprendra tous les jours. Spinning a spin, yeah. Il est 16h36 et c'est la suite de la marche des sciences sur France Culture et sur cette chanson de Donna Summer, Love to Love Baby, choisie par Alexandra Malka, responsable de ce choix, elle l'assume pleinement. Et nous sommes en compagnie de Pierre-Henri Gouillon, spécialiste de l'évolution, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, à l'AgroParisTech, à Sciences Po et à qui l'on doit la préface du livre de Menno Schiltisen, ce livre qui s'intitule « Comme les bêtes, ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité », un livre paru aux éditions Flammarion. Et c'est l'occasion de plonger dans cette histoire de la biodiversité, du vivant et de la sélection via le sexe et les organes reproducteurs des êtres vivants. Alors Pierre-Henri Gouillon, finalement, les critères de choix des femelles peut-être se basent sur quoi ? Oui, je pense qu'il faut bien voir, il y a deux choses. Hein. Il y a comment les femelles choisissent les mâles et après comment les mâles se débrouillent de toute façon pour être choisis. Voilà, je pense que on ne pourra pas parler de tout, mais ils mettent aussi des techniques pour bien assurer leur victoire dans cette course entre les deux sexes. Hein. Mais alors, on a, encore une fois, comme cette science a été faite d'abord par des hommes, eh bien, on a imaginé que les femelles choisissaient les mâles en fonction de leurs bons gènes et que comme ça, eh bien, c'était génial. Les femelles choisissaient les meilleurs mâles et comme ça, ça leur ferait des bons fils. Et ça reste une hypothèse extrêmement forte. Moi, je pense que c'est une hypothèse ce qui est largement dû au fait que c'est des hommes qui ont fait ces recherches. Et il y a une femme qui a fait une manip extraordinaire. Elle a collé des plumes sur la tête d'oiseaux qui n'ont jamais de plumes, que des plumes verticales hein, sur la tête de l'oiseau. Ça lui fait une drôle de tête. Et les femelles ont adoré ça. Elles ont choisi des mâles qui avaient ce truc-là. Alors qu'évidemment, ça ne nous dit rien sur la qualité des gènes des mâles. Donc ça veut juste dire que les femelles peuvent avoir des goûts esthétiques qui ne se justifient pas par le fait de choisir des mâles qui vont donner des bons gènes. Qui plus est, on a montré, alors pour là ça a l'air d'être vrai, que les femelles choisissaient des mâles qui étaient en bonne santé. Et on a dit, ben voilà, c'est pour que leurs enfants aient les gènes de résistance aux maladies du moment. Ça, c'est vraiment un truc de mec, parce qu'il y a une bonne raison pour une femelle de choisir un mâle en bonne santé, c'est pour qu'il lui refile pas ses maladies à elle. Donc, et ça, c'est pas du tout venu dans l'agenda de la recherche. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment toutes ces questions sont terriblement biaisées par une vision un peu macho quand même du monde vivant. Voilà, c'est... Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui travaillent justement sur ce terrain de la recherche. Alors, je pense qu'il y a, mais il y a même peut-être plus de femmes maintenant. Hein. Donc, vous savez, ça a beaucoup évolué globalement. Hein, quand j'étais étudiant, moi, à l'agro, donc une grande école d'ingénieurs, on était quand même 30 garçons pour 150 filles. Aujourd'hui, il y a 75% de filles dans cette même école. Oui. Hein, donc ça, oui, donc ça a beaucoup changé. Donc ça devrait aussi révolutionner peut-être un petit peu la recherche à un moment où est voilà. Rééquilibré. Bon, on peut pas parler de tout, on arrive presque au terme de cette première partie d'émission avec vous, Pierre-Henri Gouillon. En tout cas, on peut dire aussi que du côté des mâles, bien, on se rend compte que certains utilisent des composés chimiques hein, pour s'assurer de la réussite de cette population. Ils trouvent des trucs extraordinaires. C'est incroyable. Il y a des calmars qui trouvent des moyens d'avoir un bras copulateur qui se détache du corps et qui va mettre les spermatozoïdes là où il faut chez la femelle. Il y a ces fameuses histoires de punaises de lit qui ont des sexes tellement compliqués qu'elles n'arrivent plus à s'en servir et qui du coup font carrément un trou dans la coque de la femelle et envoient les spermatozoïdes dans la cavité. Et ça fonctionne. Voilà, il paraît que si les spermatozoïdes, si c'est une femelle, tant mieux, ça va féconder la femelle. Si c'est un mâle, les spermatozoïdes vont aller se mettre avec les spermatozoïdes du mâle en question et ça fera peut-être des petits à la génération d'après. Donc voilà, le nombre de choses délirantes est infini et vraiment c'est vrai que ce livre nous donne un aperçu extraordinaire de la diversité des techniques que les mâles ont mises en œuvre pour féconder les femelles et des techniques que les femelles ont mises en œuvre pour essayer de choisir quand même un peu quel mal. Eh ben, je suis bien d'accord. En tout cas, on renvoie sur ce livre, hein, Comme les bêtes, ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité. Un livre de Menno Schiltizen, édition Flammarion. Vous-même, Pierre-Henri Gouillon, apparaître en avril, hein, vous me disiez, on en reparlera dans l'émission. Le livre Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant, c'est chez Odile Jacob. Donc, il faut encore attendre un petit peu. Mais enfin, c'est bien l'attente aussi. Hein, il faut savoir être patient. Et puis, je renvoie aussi sur l'émission de mon ami Stéphane Delis-Georges, Continent Science, lundi. Dernier lundi, il a abordé ce thème des animaux et quelques-unes de leurs curiosités, et avec la présentation de la revue Espèce, et donc il a parlé d'exemples de cette histoire évolutive formidable. Voilà, une belle occasion de s'intéresser à ce monde animal. On n'en a pas toujours l'occasion, c'est vrai, donc là, on en a profité. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Actualité des sciences et de leur savoir dans cette deuxième partie, avec tout d'abord sur le front des médias, à vous signaler un documentaire de Sonia Ruspini intitulé Cancer, quelle thérapie pour demain. Il sera diffusé ce week-end samedi à 18h30 sur Science et Vie TV à l'occasion de la journée mondiale du cancer qui aura lieu le 4 février. Alors pour rappel, 8 millions de personnes meurent chaque année du cancer dans le monde, c'est la première cause de mortalité. Et puis dans les sociétés développées, une personne sur deux sera touchée au cours de sa vie par cette maladie. Malgré ces chiffres alarmants, il faut quand même relever qu'en 20 ans, le risque de succomber à un cancer a diminué de 20% grâce à la science, aux recherches qui ne cessent d'explorer de nouvelles thérapies. Aujourd'hui, une toute nouvelle approche vient bouleverser la recherche sur les nouveaux traitements. C'est l'immunothérapie. Il s'agit de booster les propres défenses immunitaires du patient pour qu'il combatte la maladie de l'intérieur. Une nouvelle lueur d'espoir pour guérir le cancer. Dans l'est de la France, à Besançon, une équipe pluridisciplinaire s'intéresse de près à ces thérapies et à la manière de les optimiser. Depuis quelques années, deux nouveaux médicaments ont particulièrement fait leur preuve sur des cancers de la peau très agressifs. Jusqu'à il y a 2-3 ans, la médiane de survie des patients qui avaient un mélanome avec des métastases, elle était de 6 mois. Actuellement, avec les nouvelles immunothérapies, on espère des espérances et des médianes de survie de 24 mois. Donc ça veut dire qu'avec ce type de traitement, on peut quadrupler la médiane de survie. Donc ça veut dire pour environ la moitié des patients. Donc c'est une grande révolution, en tout cas en dermatologie pour nos patients, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup d'espoir malheureusement pour ces patients. Des années, des avancées dans le traitement et la prévention. En 52 minutes, ce documentaire nous entraîne de Paris à Columbus, dans l'Ohio, aux États-Unis, de Pittsburgh à Singapour, un tour du monde des labos en pointe et où l'on imagine et où l'on expérimente des thérapies pour demain, des vaccins préventifs, de l'immunothérapie, les nanotechnologies, des traitements ciblés. En tout cas, beaucoup d'espoir, y compris face aux tumeurs inopérables et aux cancers généralisés, de vrais défis pour gagner cette guerre à l'horizon 2050 et peut-être même avant, selon certains chercheurs. Je rappelle le titre de ce documentaire, Cancer, quelle thérapie pour demain? Un documentaire de Sonia Ruspini, diffusé donc ce week-end samedi à 18h30 sur Science et Vie TV. Il sera rediffusé le 4 février à 20h45. Et puis à vous signaler aussi, toujours avec notre partenaire Science et Vie, eh bien le lancement de la chaîne éducative et interactive Mon Science et Vie Junior pour les adolescents du primaire au lycée. Tous les sujets sciences, tous les formats de 5 à 52 minutes à retrouver et tous les liens sur notre site de la Marche des Sciences. Et dans cette actualité des sciences et de leur histoire, regard porté sur un beau livre, un grand format, qui va rappeler à nombre d'entre vous bien des souvenirs. Il s'agit du livre Dérôle, à la croisée des savoirs, un livre paru chez La Martinière, réalisé par Louis-Albert de Breuil et Sylvie Alboutabar, et un livre qui a réuni autour de ces superbes planches de grands scientifiques. Bonjour Sylvie Alboutabar. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Par téléphone, rappelez-nous alors peut-être tout d'abord, hein, avant de s'intéresser à cette alchimie entre ces planches et les scientifiques. Donc, que sont ces fameuses planches Dérôle? Alors, ces fameuses planches Dérôle, c'était les planches pédagogiques qu'on a pu admirer au mur des classes, en tout cas les gens de notre génération, qui s'intéressaient à des domaines très variés, qui allaient de la minéralogie à la physique chimie, botanique, zoologie, etc. Et qui datent en gros de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Voilà. Donc elle nous montrait des écorchés anatomiques, tous les perroquets, les arbres, etc. En tout cas, quand on feuillette ce beau livre, hein, les souvenirs reviennent vite. On a tous, enfin, des images en tête où on a vu dans des classes. Parce que là, vous donniez les dates, hein, 1860-1970, mais même après, dans des classes, ces planches restaient donc de génération en génération, ce qui fait que ça touche beaucoup de personnes. Alors, la genèse de ce projet, précisément, parce que le livre offre bien sûr beaucoup de nombreuses planches et vraiment ces beaux dessins. Mais en même temps, il a fallu construire, imaginer, pour mieux partager ce savoir et mettre à profit ces documents d'histoire en sollicitant quand même le regard de ceux qui en font l'actualité aujourd'hui, de ceux qui travaillent sur ces terrains-là. La genèse de l'ouvrage, c'est tout simplement déjà mon coup de cœur absolu pour les planches Dérôle. Et puis c'est vrai qu'après, l'idée est venue de mettre en parallèle avec ces planches des découvertes d'aujourd'hui. Puisque comme on le disait, ce sont des planches qui sont quand même un peu datées. Donc on a voulu mettre en parallèle des savoirs d'aujourd'hui. Et donc il a fallu trouver, et alors ça a été vraiment un vrai travail, un travail passionnant, trouver énormément de découvertes et des scientifiques à interviewer pour mettre en parallèle avec ces planches. Et la très bonne surprise, quelque part, ça a été l'engouement de ces scientifiques. C'est vrai que j'étais très agréablement surprise par la réaction de ces gens que j'ai appelés. Et il y a des scientifiques de différentes nationalités qui se sont tout de suite emballés pour le projet, qui adoraient les planches Dérôle et qui en plus avaient très envie de partager leur savoir et de le mettre à la portée du plus grand nombre, parce que c'est quand même un livre qui est destiné au grand public. Oui, même familial, on peut dire. On peut le laisser traîner dans le salon et puis s'en emparer. Donc 70 scientifiques du monde entier. Alors, 80 en fait. Ah oui, d'accord. On peut en citer quelques-uns. Jane Goodall, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, qui ne connaît pas Jane Goodall? Dans l'ouvrage, évidemment, elle va nous rappeler que les chimpanzés sont nos proches cousins. Alors, en parallèle avec une planche Dérôle qui se consacre aux primates, bien sûr. Et en fait, elle nous rappelle quand même qu'on partage 98%, ce qui est quand même énorme, de notre patrimoine génétique avec les chimpanzés. Et que malheureusement, aujourd'hui, ces chimpanzés sont quand même en très grand danger. Il y a comme ça énormément de scientifiques dont on connaît les noms. On peut citer aussi Jean-Louis Etienne, par exemple, le médecin explorateur. Mais oui, je crois que c'est la dernière planche, hein, c'est ça, proposée dans le livre, avec ces très beaux glaciers que l'on perçoit, ces belles couleurs bleues, vertes. Et c'est vrai que quand on les regarde, on a déjà au fond du cœur un peu de nostalgie, parce qu'on se dit qu'on n'en voit plus beaucoup des glaciers comme ça. Hein. Exactement. Alors c'est vrai que c'est un grand monsieur qui connaît bien le sujet. Parce que le livre, il est scientifique, mais je pense qu'il est aussi là pour nous alerter justement en matière d'écologie, etc. Et le texte de Jean-Louis Etienne nous rappelle quand même que les glaciers fondent et que cette image n'est déjà plus d'actualité. Ben oui, alors on peut en citer d'autres, parce qu'il y a des hommes et des femmes, hein, donc Marie Caswell Stoddart, qui est biologiste, hein, de l'évolution à l'université d'Harvard. Tout à fait. Alors là, c'est plus léger, si je peux dire, comme sujet, même si c'est quand même très étonnant, parce que vraiment, l'idée, c'est quand même d'être surpris, d'aller de surprise en surprise. Et elle nous rappelle juste que les oiseaux sont quand même des descendants des dinosaures. Alors, plus précisément d'une lignée qui s'appelle la lignée des théropodes. Et en fait, dans cette lignée, il y avait quand même le Tyrannosaure rex. Voilà. Ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, ça donne nos oiseaux qu'on peut admirer dans les jardins. Voilà. Alors, c'est un livre articulé en chapitres thématiques. Hein. Biologie, botanique, entomologie, zoologie, paléontologie, anatomie, physique et chimie, et puis minéralogie et géologie. Je me tourne, si vous me permettez, Sylvie Alboutabar, vers Pierre-Henri Gouillon, parce que Pierre-Henri Gouillon, on vous retrouve hein, pour deux dessins, deux planches d'ailleurs. Donc vous avez été sollicité. Qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que ces planches-là, vous aussi, vous aviez connu ces dessins dans des classes ou pas? Ah bah oui, moi j'étais à l'école avant les années 70. Avant 70, hein, 70, je passais le bac. Donc effectivement, j'ai passé toute mon enfance avec ces planches au mur. Bon, mon père était instituteur, donc en plus il en avait ramené à la maison, enfin bref on a... Vous viviez avec ces planches m'ont bercé mon enfance, et effectivement je les trouve tout à fait remarquables, et évidemment là c'est en plus des planches particulièrement belles qui ont été choisies, je suis très heureux que ce livre soit sorti, je suis très heureux d'y avoir contribué, je pense qu'on a été nombreux à être heureux d'y contribuer. Et donc pour de votre côté, hein, Pierre-Henri Gouillon, on vous retrouve pour deux planches. Alors une, l'article est intitulé « Une partition musicale du génome hein, », c'est génétique, environnement et épigénétique en jeu. Ça serait un peu long à expliquer. Effectivement, justement, c'est un des sujets du fil de la vie. Le livre alors, sortira on en reparlera bientôt, au moment c'est, du... C'est sur comment elle lue l'information génétique dans un organisme. Voilà. Et puis l'autre de la botanique féministe, voilà, du rôle des espèces femelles, et on en a parlé précédemment. Ouais. Alors Sylvie Alboutabar, dans ces rencontres-là, est-ce qu'il y a eu des belles surprises pour vous, peut-être des étonnements aussi Oui, tout à fait. Bah, par exemple, pour Pierre-Henri Gouillon, que j'avais sollicité pour une planche, on en est venu à commenter deux planches, parce que c'était passionnant. Il y a une rencontre aussi avec un chef de l'équipe cristallographie, j'ai toujours du mal à le dire, qui s'appelle Daniel Châtaignier, qui au départ devait commenter, si je peux dire, une planche sur le corail, pour évoquer évidemment les dangers qui menacent les barrières coralliennes, et le procédé qui consiste aujourd'hui à en faire pousser, si on peut dire, en tout cas, en recréer des artificiels. Et au fil de la discussion, on en est venu à parler de complètement autre chose, et cette fois-ci au regard d'une planche sur le développement des eaux, parce qu'il nous a expliqué qu'une équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle, justement, avait découvert que la nacre de certains mollusques, comme l'huître, tout simplement, était biocompatible avec l'os humain et pouvait se souder à lui. Ce qui veut dire que de la nacre de mollusque peut ouvrir la voie à la guérison de certaines pathologies osseuses. Donc c'est quand même très étonnant. Et donc arriver à la formation d'un néo-os, c'est ça? Exactement, voilà. Ouais. Donc un jour, on aura peut-être dans notre corps de l'os fabriqué à base de coquilles de mollusques. Alors on sera drôlement beau avec des os en perles. Ah ben voilà, vous voyez Pierre-Henri Gouillon, le monde animal et le monde enfin animal humain, etc. Tout va se rejoindre finalement, hein. Ce sera le bonheur pour tous. Sylvie Alboutabar, dernière petite question, parce que c'est vrai que quand on plonge dans ces planches et qu'on a ce regard des scientifiques d'aujourd'hui, avec leurs connaissances d'aujourd'hui, on a aussi envie de disposer peut-être d'une histoire de ces planches. Est-ce que c'est un projet, c'est en gestation voilà, c'était un petit peu ma question, c'est-à-dire l'histoire de Dérolle, ou alors c'est vraiment le livre de Louis-Albert de Breuil, Dérolle, leçon de choses, qui était paru en 2014, qui fait office de récit historique. Alors là, c'est plutôt à Louis-Albert de Breuil qu'il faudrait poser la question, puisque c'est lui le propriétaire de la maison Dérolle. Oui. Mais c'est vrai que je crois que de toute façon, il y a énormément de choses à dire sur ces planches. Là, c'est vrai que dans l'ouvrage, par exemple, elles sont pour la première fois en gros plan, ce qui n'avait jamais été fait. Mais il y a tellement de choses à faire autour, tellement de choses à dire, que les projets peuvent se succéder sans aucun problème. Ça, voilà, il y a pas de souci. Alors Pierre-Henri Gouillon. Oh, puis d'ailleurs, juste un petit mot, si vous êtes à Paris ou si vous y passez, allez voir la Maison Dérolle, c'est un endroit extraordinaire. Et ben voilà, une belle invitation. Merci à tous les deux. Merci Sylvie Alboutabar. Je rappelle le titre de votre livre, hein, Dérolle à la croisée des savoirs, un livre paru chez La Martinière, donc réalisé avec Louis-Albert de Breuil. Et puis informations et liens, bien sûr, à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis archives. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an, nous suivre sur Twitter. Et puis n'oubliez pas aussi la toute nouvelle page Facebook tenue par Anaï Morales. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de votre fidélité. Merci à Catherine Donnet qui prépare l'émission à mes côtés, à Naïm Morales pour les archives, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Clément Daté. La semaine prochaine, donc jeudi prochain, émission spéciale Grand Portrait. Ce sera le premier de l'année et nous allons le consacrer à l'astronaute Jean-Loup Chrétien. Et puis n'oubliez pas, demain, autre rendez-vous de la tranche culture science. À 16h, vous avez rendez-vous avec Michel Albergantier et Sciences Publiques. Et son thème du jour, quelle place accorder au sonore dans la protection de l'environnement? C'est une émission organisée et préparée à l'occasion de la 13e édition de la Semaine du Son. À 17h, n'oubliez pas votre rendez-vous, cette plongée merveilleuse dans le documentaire avec Sur les docks d'Irène Omelianenko. Et puis, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Les Bonnes Feuilles. De notre côté, rendez-vous pris la semaine prochaine. Jean-Loup Chrétien, n'oubliez pas, jeudi prochain, 16h. Et puis d'ici là, bonne fin d'après-midi.